Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une émission un peu spéciale sur Horns Up, avec un épisode qui, ma foi, clôturera cette saison 1 pour le moins riche en émotions. Je parlerai directement avec des notes en fait. J'ai rien écrit pour celle-là et vous comprendrez pourquoi. Simplement pour faire une petite mise au point de cette saison, puis une mise au point de ce qui nous attend aujourd'hui, car l'émission sera découpée en deux parties. Une première où je vais vous parler un petit peu, qui devrait pas être très longue, et une seconde où vous pourrez écouter une des premières émissions que j'ai faites, enfin la première que j'ai faite en fait, qui n'a jamais été publiée, qui n'est pas celle sur Glaciation. Enfin, on y reviendra. La version de River of Gold que vous avez pu écouter en introduction et une reprise que Willow a faite justement pour sa nouvelle émission La Java Grise, émission à laquelle j'ai participé. Pour ce numéro-là, du moins, je vous invite à aller l'écouter. J'ai écrit un texte dont je suis ma foi assez fier. Et donc c'est rigolo car ça fait une sorte de mise en abîme assez amusante. Tant Willow et son œuvre m'ont inspiré, que ce soit par Métalliquement Vôtre ou tous ces autres projets, car c'était un petit peu le point de départ de River of Gold, du moins ce qui m'a vraiment motivé à me lancer, ça a été l'élément qui m'a fait dire, qui m'a fait penser du moins, vas-y, tu peux te lancer, tu peux le faire, tu peux faire ton émission. Car au départ, voilà, j'ai une certaine passion pour la radio, j'ai une certaine passion pour l'écriture. Enfin, tout est relatif. Mais voilà, j'aime transmettre des choses, j'aime parler surtout essentiellement des choses que j'aime. J'aime essayer de faire voyager les gens, j'aime explorer plein de thèmes, j'aime être curieux, enfin voilà. Et ça a été vraiment une opportunité pour moi de me lancer quand j'ai entendu que sur Hands Up, on recrutait parce qu'il n'y avait pas tant de podcasteurs que ça au niveau français qui tournaient un petit peu autour du monde métal et compagnie, entre guillemets. Même si River of Gold, c'est un peu mi-figue, mi-raisin par rapport au métal, c'est un petit peu 50-50 quoi. Et donc voilà, je le disais, j'ai rejoint l'aventure Hands Up maintenant, River of Gold, mon podcast, il y a quasiment 2 ans en fait. J'ai pu la date exacte sous les yeux du premier épisode, il me semble que c'était le 13 mars 2016. Je vais vous dire ça en me rendant sur le site. Donc ouais, premier épisode sur Glaciation, qui est donc bien sorti le 18 mars 2016, voilà. Qui avait été très bien accueilli à l'époque, qui avait même très bien marché. Je crois qu'on tourne autour de 1400 écoutes pour cet épisode-là, ce qui est énorme. C'est l'épisode qui a le mieux marché que j'ai fait, ce qui est logique aussi vu que c'est le premier. Même si honnêtement j'arrive juste plus à l'écouter, il m'insupporte et j'ai passé des heures de montage sur cet épisode, c'était affreux parce que je m'en sortais absolument pas, et puis j'avais du mal à parler, on se rend peut-être pas compte finalement, mais j'avais du mal à parler devant un micro, on se rend peut-être pas compte de la difficulté que c'est au début quand tu commences à faire des trucs sur internet et tout ça. Mais pareil, devant un micro tout seul, c'est juste vlacho quoi, c'est impossible, et je galérais trop, sans déconner, j'ai dû passer une cinquantaine d'heures faciles sur cet épisode, écriture et enregistrement et réenregistrement confondus. Donc ouais, le but de départ, c'était vraiment... vraiment de parler des albums que j'aimais en fait, et ça a été le cas encore avec le second épisode, bien que je me suis mis à parler d'autres choses, donc My Bloody Valentine, mais du shoegaze aussi en général. Mais voilà, avec Glaciation, le but c'était de parler de Glaciation, en l'occurrence 1994, un album qui m'a retourné, qui est peut-être l'un des premiers trucs, c'est trop bizarre, mais c'est vraiment l'un des premiers trucs black metal qui m'a vraiment marqué. Enfin, j'ai commencé le black metal jeune, j'avais peut-être 13-14 ans, enfin 13 ans, début 14 ans en tout cas, quand je m'y suis mis. Et Glaciation, j'étais tombé dessus, j'avais aucune idée de comment, c'est parce que j'écoutais Alceste, je suis tombé dessus genre un an après la sortie de 1994 et ça m'a juste retourné, alors que je découvrais aussi les Emperors et tout ça en parallèle. Donc voilà, j'avais envie de transmettre cette magie de cette œuvre qui m'avait retourné, et puis je me suis dit, vas-y, plutôt que parler d'empereur ou trucs comme ça, que tout le monde connaît déjà bien, je vais faire un truc sur Glaciation qui est finalement, non 1994, que les gens connaissaient pas spécialement. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai rejoint Hands Up. J'ai contacté en fait Willow sur Twitter, que je connaissais déjà via ses autres projets, on se parlait un petit peu sur Twitter aussi. Puis je lui avais exposé mon projet simplement, et puis les choses se sont fait rapidement. J'ai eu le contact de Maxwell, on s'est fait des Skype ensemble et tout ça. Et puis ils ont adhéré au concept de l'émission, ce qui fait que voilà, ça fait 2 ans maintenant que j'ai rejoint l'équipe. Aussi à la rédaction, je fais pas mal de news, je participe un peu aux live reports, aux articles, etc. Enfin voilà, Hands Up, ouais, déjà 2 ans, ça, c'est rigolo, le temps passe vite. Et donc voilà, ben, finalement le concept de l'émission a évolué avec le temps. On est passé d'un truc qui parlait d'albums, de groupes, de gens en particulier, à quelque chose plus axé à introspection, voyage, etc. Pour finalement aboutir à la forme dont je suis très satisfait, qui est la forme des derniers épisodes. Et voilà, j'ai été confronté à pas mal de choses. J'ai eu des problèmes de matos, et forcément quand on n'est pas bien friqué et qu'on est surtout un lycéen, se racheter un gros micro, ça c'est pas forcément dans l'immédiat. Ce qui fait que genre entre l'épisode 3 et l'épisode 4, dans l'épisode 4 et l'épisode 5, enfin je sais plus, dans ces eaux-là, j'ai troqué mon ancien micro contre un Zoom H2N, celui avec lequel je parle actuellement. Ce qui est pas plus mal, car c'est simple d'utilisation, ça me va très bien et c'est un bon son. Donc voilà, l'émission a évolué, que ce soit au niveau du concept, au niveau de la qualité, franchement, la manière dont j'ai de parler, tout ça, enfin voilà, il y a une grosse évolution. En tout cas, moi je le ressens énormément, forcément, je galère vraiment à écouter les émissions précédentes, enfin les premières émissions. C'est un truc de dingue. Le podcast, enfin, faut le savoir, c'est un format assez difficile à assumer, entre guillemets, car c'est pas... Il y a peut-être pas la reconnaissance qu'on voudrait, même si j'estime que je suis vraiment pas prêt à avoir la reconnaissance que pourrait avoir un youtubeur ou quoi, car c'est vraiment, ouais, c'est peut-être un petit peu too much. Enfin, je sais pas, j'ai du mal à calculer encore. Moi, je suis bien là avec mes quelques messages d'auditeurs que je reçois de temps en temps, car voilà, c'est vrai qu'un podcast, bon, bah, c'est pas énormément d'écoute. Enfin, pas énormément, tout est relatif. Moi, je tourne autour de... Enfin, j'ai fait la moyenne, je suis à 600 écoutes par émission, en moyenne, sachant que les dernières ont vraiment moins bien marché, donc à savoir les 3 dernières. Ce qui est con, car c'est les épisodes que je préfère, en fait, dont je suis vraiment le plus fier. Enfin, voilà, il y a une grosse majorité silencieuse pour les podcasts, et ça se confirme du fait que je reçois pas mal de messages privés, en fait. Des messages très touchants, parfois très longs, et enfin vraiment qui font chaud au cœur. Bon, ils sont pas énormes, enfin ils sont pas, il y en a pas énormément, mais le peu que je reçois, c'est vraiment ça me touche énormément. Et voilà, enfin ça confirme en fait qu'il y a des gens qui me soutiennent, qui sont là depuis le début en fait, parce que je vois les mêmes têtes réapparaître et tout ça, j'en vois d'autres qui arrivent aussi, et je vous remercie en fait d'être là, je remercie ceux qui viennent d'arriver, qui s'intéressent à l'émission, je remercie ceux qui sont là depuis longtemps, mais bon, faut savoir que voilà, comme tout le monde, j'ai pu avoir des périodes où j'étais un petit peu démotivé pour bosser mon truc, parce que forcément, qui dit études, dit pas mal de taf à côté, etc. Après, je suis pas forcément à plaindre, mais voilà, plus le fait de pas avoir spécialement de retour certaines fois des fois pour certaines émissions, ouais, non, ça peut être démotivant, ce qui fait qu'on n'a pas forcément toujours l'inspiration, etc. Donc voilà, merci à ceux qui sont là, et puis ceux qui arrivent, et n'hésitez pas du tout à partager l'émission autour de vous, à essayer d'en parler à vos proches, quoi que ce soit. C'est ce qui fait vivre le truc, en fait, tout simplement. Le bouche à oreille, je pense. En tout cas, voilà. J'ai toujours essayé d'être sincère dans ce que je proposais. Et devant cette saison 1, je me dis que bah, c'est plutôt réussi, car ça regroupe vraiment tout ce que j'aime, tout ce que j'ai essayé de transmettre dans cette saison. Enfin voilà, je le fais vraiment avec les tripes, et ça me plaît. Ça me plaît, sinon j'aurais jamais continué, car c'est... Ouais, c'est dur, hein. C'est dur le podcast en fait, vraiment comme format. Enfin, voilà, c'est de la passion. Vraiment, si jamais vous voulez lancer un podcast ou quoi que ce soit, faites-le vraiment par passion, car c'est que comme ça que ça marchera. Et enfin, faut prendre du plaisir. Et moi, j'ai appris vraiment à prendre du plaisir dans ce que je faisais. Ce qui fait que voilà. Maintenant, j'ai de gros projets à venir. Je sais pas si ça arrivera avant la saison 2 ou pas. Saison 2 qui sera différente. Je vous en dis pas plus pour le moment, donc ça devrait pas être si éloigné que ça de la saison 1, mais disons que ce sera pas les mêmes thèmes. Enfin, vous verrez ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gros projets qui arrivent. Un projet qui devrait arriver mi-janvier, qui est quelque chose sur YouTube. Et quelque chose par la suite, je vous en dis pas plus. Et donc voilà, pour la saison 2, sera différente. Voilà, bon, ça, c'est bizarre pour moi, j'ai fait un petit monologue de 10 minutes, j'ai l'impression. avant de vous diffuser la première émission que j'ai écrite, en fait. Qui est une émission que, ouais, honnêtement, je l'ai réécoutée tout à l'heure, j'ai du mal tout simplement parce que c'est plus ce que je fais aujourd'hui, mais ouais, je trouve que c'est une bonne manière de boucler la boucle, entre guillemets, car c'est vraiment les thématiques tardives de River of Gold qu'on retrouve dans cette émission, l'idée du voyage, et donc vous le verrez, c'est l'histoire de quelqu'un qui sort de son lycée, qui marche le long d'une route pour arriver chez lui, qui contemple ce qu'il y a autour de lui. Donc voilà, c'est finalement, je l'avais jamais trop calculé, parce que j'avais un peu mis cette émission de côté, j'y pensais plus trop, vu que c'était une émission que m'avaient demandé Willow et Maxwell à l'époque pour me tester un peu. Et ouais, bah c'est très dans ce que je fais actuellement, en fait. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Bon, c'est un petit bonus, j'amène rien de neuf, y a rien d'écrit de nouveau. Mais du coup, vu que vous la connaissez pas, ça revient peut-être un petit peu au même. Même si voilà, j'ai largement changé ma manière d'enregistrer, je travaille largement plus ma voix aujourd'hui et tout. Tout ce genre de choses, ce qui fait que j'ai du mal à écouter. Enfin voilà, je vais me taire, je vais pas en dire plus parce que je parle depuis quand même longtemps. Et merci mille fois à ceux qui sont là depuis le début, qui soutiennent l'émission, ceux qui viennent d'arriver. Merci d'avoir été présent tout au long de cette saison 1, la saison 2 arrive. J'espère que ça va se concrétiser rapidement, que je vais réussir à faire tout ça. Et je vous remercie mille fois. Voilà, n'hésitez pas à parler d'émissions autour de vous. Et en attendant, eh bien, bonne écoute avec cette première émission, ce premier jet de River of Gold. Et à la prochaine. Voilà, ciao. Il est déjà demain, réveil, déjà aujourd'hui contre les projecteurs, humains, passent sur nos têtes. On avance entre rires et fracas, entre soupçons et peines, dans un monde que personne ne comprend. La musique nous mène loin de ça, et je vais vous emmener avec moi, en balade, découvrir et observer. C'est toujours Hugo, et vous êtes bien à l'écoute de River of Gold sur Hands Up. Le soleil est haut dans le ciel. Ses rayons recouvrent la terre, ainsi que les paysages qui s'offrent à nous au travers de la fenêtre. Cette fenêtre, elle, qui nous accompagne au fil des jours, que l'on aimerait briser afin de rejoindre la vie qui nous entoure. La porte s'ouvre, et les rayons recouvrent nos corps désormais, guidant nos pas vers une route, un chemin, que l'on suit aveuglément. Le soleil ne nous assomme pas, non, il nous fortifie. On s'abreuve de sa chaleur comme des accords d'une musique enivrante, des notes d'un synthé new wave et d'une voix profonde. Et on continue toujours, droit devant. De crainte, de sentiments ou de paroles, seul le désir de découvrir. On ne contrôle plus ses jambes ni son esprit, on contemple juste la vue qui s'étend devant nous. Alors on sourit, sans vraiment s'en rendre compte. Autour de nous, des plaines où les herbes dansent avec le vent, léger, mais aussi un peu froid, ce qui nous rappelle que nous sommes en hiver. Il reste quelques rares feuilles sur les arbres, oranges, comme l'automne. Au bout du chemin apparaissent alors de premiers bâtiments, de premières lueurs, des voitures qui passent. Fini la solitude, on rejoint désormais la civilisation. La ville s'offre à nous tandis que le soleil commence à se coucher en cette saison où il fait nuit très tôt. On croise des visages au travers des fenêtres, des voitures, des visages que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, des visages de personnes, comme nous tous, qui vivent, se déplacent, parlent. On s'échange alors des regards, des sourires. Le quartier s'illumine grâce aux réverbères, les sons et les couleurs nous entourent. L'atmosphère y est si particulière, à la fois mystérieuse et inquiétante, triste et rassurante. On se souvient alors de Baudelaire et ses mégapoles, on se rappelle son âme sœur et on s'abandonne. On quitte la ville et on rentre chez soi. Une pleine lune recouvre dorénavant le ciel étoilé. Plus besoin de lumière, elle nous en apporte. On s'arrête le temps d'un instant, le temps de contempler sa beauté. Oui, prenons ce temps-là, observons et apprécions. N'est-ce pas fascinant que de se dire que nous sommes minuscules face à cet univers ? On le connaît à peine. Et sur une vie humaine, il nous sera impossible de le connaître bien plus. Évadons-nous, Envolons-nous vers les astres qui nous appellent. Rejoignons-les dans un déluge de notes, mené par une voix cristalline qui nous submerge et avec laquelle notre esprit fusionne. Yeah. Retour au quotidien et ce qui s'ensuit. On passe le palier de la porte et on entre dans sa chambre. On repense aux mauvaises choses qui nous tirent vers le bas, tout en philosophant sur la réalité, en la remettant en question, en se questionnant constamment à vrai dire. Mais quoi de plus réel que les émotions et les sensations? Mais on transcende tout cela, car la musique prend le dessus. Les souvenirs ont des couleurs et des sentiments qui les accompagnent. Ils sont jaunes et atrabilaires, ou encore violets et radieux. On est alors bercé par les images qui nous viennent à l'esprit, et on se laisse emporter. On repense à cette journée qui nous paraît déjà loin. Nostalgie ? Oui, mais on reste heureux. Heureux de pouvoir profiter de ce moment présent, de pouvoir s'évader, allongé dans son lit. Pas de tristesse, juste le sentiment d'être, et de pouvoir continuer à être. La beauté d'une chanson vaut tout l'or du monde. Au moins autant que les songes qui nous attendent. Alors on respire, puis on ferme les yeux. See us again.